Une miette de gens. Une miette de gens. Une miette de gens. Et beaucoup d'histoires. Une miette de vin et beaucoup d'histoires. Épisode 9. À l'époque, les localités environnantes s'appelaient Udlinsar, Jimniakoum, Gislero, Dantrémy, Ruez et Charnois. Nous étions alors régis par l'abbaye de l'Aube, grande maison monastique avec un domaine immense qui comprenait en 868-869 un total de 174 villages. Au cours des années cependant, le domaine a vu sa prospérité religieuse et matérielle déchoir. Le summum fut atteint durant l'épiscopat de Baldéric. En effet, ce dernier livre le diocèse à ses parents et à son oncle Régnier de Hainaut. L'homme est surtout connu à ce moment-là pour ses déprédations, ses méfaits et sa violence. En outre, il est orgueilleux et fier de ses origines. Tout ce qui l'intéresse est s'enrichir, posséder et dominer. Tout cela, Aubin, libre penseur, l'a bien compris. C'est pourquoi il concocte un long poème ironique à la gloire du comte. Celui-ci se nomme « Ode au règne sanglant du comte ». Aubin a décidé de le déclamer à la foire de Pâques. Le jour J, Aubin se prépare sur le parvis de l'église, interpelle le passant et commence à déclamer. Durant toute la période de la foire, Aubin rencontre un vif succès. Chaque jour amène un flot de plus en plus grand de spectateurs. Dans la rue, on parle à présent de lui, de son œuvre. On attend avec impatience la représentation. On le parodie, on complète le poème, on le met en musique. Régnier de Hainaut avant du retentissement de l'œuvre et de son thème. Contrairement à la foule, cela ne lui plaît pas du tout. Alors, pour éradiquer la cause de son malaise, il le fait embarquer et emprisonner. Durant son arrestation, Aubin ne peut se taire. Il continue à réciter et à inventer de nouveaux vers. Encore une fois, Régnier est mis au courant. Il décide de rencontrer le contestataire et de le faire taire à jamais. Personne ne peut se moquer ouvertement de lui ainsi. Aubin est donc amené à Régnier. Aubin n'en démord pas. Il provoque le comte. Régnier le condamne à mort. Mais il souhaite que la mort d'Aubin soit lente et aussi absurde. Il décide donc de le faire pendre, mais par les deux gros orteils. Cela donnera matière à ses compagnons de perdition pour quelques vers ou quelques notes. Régnier rit déjà à l'idée. Cependant, Aubin l'interpelle et lui demande de n'être pendu que par un seul orteil. Régnier réfléchit, pèse le pour et le contre, puis accepte. Cela sera sans doute plus long, plus douloureux et plus risible. Aubin est donc pendu par le gros orteil, bâillonné, et entravé. Régnier, pour donner l'exemple, a choisi un lieu de passage pour cette longue exécution. Ainsi, en se rendant au marché, tout un chacun pourrait voir Aubin agoniser. Cette perspective rendait Régnier heureux. À l'époque, une exécution éveillait la curiosité de tous. Les villageois aimaient ce genre de spectacle. L'exécution d'Aubin ne déroge pas à la règle. Sauf que, très vite, les badauds se lassent, rentrent chez eux, vaquer à leurs occupations. Rapidement, Aubin se retrouve donc seul, suspendu. Il étire alors la jambe et touche de son autre orteil le sol. Dans la poussière, il dessine une souris. Aubin, en plus d'être un bon hableur, est un fabuleux dessinateur. Il ne s'agit pas d'une souris grossière comme vous et moi pourrions la dessiner, non. D'un coup d'orteil, il lui tire le portrait. Et bientôt la souris de poussière prend alors vie et grimpe sur la jambe d'Aubin. atteint maintenant l'autre jambe jusqu'à l'orteil lié. Aubin doit se contenir. Les petites pattes de la souris le chatouillent. Ne pas rire, pense-t-il. La souris arrivée au cordage le grignote. Aubin s'écrase au sol, libre. Il ne demande pas son reste et disparaît dans la nature. Enfin, c'est ce que racontent Troubadour et Ménestrel sur le parvis de l'église. Est-ce la vérité? Est-ce inventé? Je vais replacer cette histoire sous la pierre où je l'ai trouvée. Et quelqu'un viendra peut-être la reprendre pour tout nous expliquer.